On va écouter Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud pour une autre, c'est Nuisance. Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud. Vous écoutez Canal Sud. Quelques sont une expérience de philosophie quotidienne. Ouais. De Roger Paul Droit. Quelques expériences de philosophie quotidienne. Voici la numéro 25. S'amuser comme un fou. Durée 30 à 40 ans. Matériel. Une société complexe. Effet joyeux. Comment s'amusaient les fous au temps où il y avait des fous et où l'on s'amusait? Ils se moquaient de tous et de chacun, n'avaient cure des règles et des convenances. Ils parlaient fort, riaient hors de propos. Échappés aux places fixes, tel était leur sort. Ils pouvaient bousculer les gens et les usages. Nomades, transgressifs, ils parcouraient chemins et rivières. Ils erraient entre les bienséances et les obligations. On les voyait renverser des images pieuses, parodier les sacrements, moquer l'autorité de la Sainte Église. Faites-en autant. Sans doute n'avons-nous plus de fleuves ou de routes où prennent place des cohortes vociférantes. Si vous tentiez à présent une telle expédition, vous seriez vite enfermé. Il faut trouver autre chose. Essayez donc d'être critique, chroniqueur, écrivain, romancier, artiste, cinéaste, musicien, battleur, quelque chose de ce genre. Simplement décalé. Faites votre possible pour perturber votre époque. Ne rêvez pas de bouleverser l'histoire semée de petites pagailles, là où vous êtes. Désorganisez les plans, créez de l'inattendu, défaites les prévisions. Traversez obstinément la société sans obéir, au fond. Vous devez évidemment vous soumettre à des consignes, des pouvoirs. Il n'est pas exclu que vous deviez ramper, par prudence, par lâcheté, ou même par pure flagornerie, devant tel ou tel puissant. Décidez que cela n'a aucune importance. Vous pouvez courber l'échine, par tactique parfois, si vous êtes absolument sûr qu'en vous, résolument, quelque chose ne plie pas. Préservez avec soin et à long terme votre espace de manœuvre. Sachez agir de biais. Manœuvrez comme le fou aux échecs. Surgissez systématiquement sur une case en diagonale. Pratiquez le pas de côté, la marche en crabe, les chemins de traverse. De jour en jour, sans coup férir. Prenez l'habitude de chercher. Pour toute question, la réponse la plus incongrue, celle qui semble la moins adaptée. De temps à autre, mettez-la en pratique et voyez ce que ça donne. Le plus long, le plus ardu, pour s'amuser comme un fou, est de parvenir à considérer qu'il n'y a véritablement rien qui soit sérieux. À l'horizon, ce point où tout absolument devient en un sens risible. L'existence, la mort, l'humanité, l'amour, l'univers, les fourmis, l'écriture, l'argent, les métiers, les corps, la pensée, la politique, entre autres choses. Sans oublier le rire même, l'amusement, les fous. Nuisance, c'est le thème, c'est la folie. Donc soyons fous, soyons demeurés. Au demeurant, nuisance. Salmon Moose. The Salmon Moose. The Salmon Moose. The Salmon Moose. The Salmon Moose. The Salmon Moose. Oh! c'est un bordel infernal ce soir. Il semble que les travaux sont en plein exercice cet après-midi, donc dans la rue même. Ce que je dis, c'est vrai, n'est-ce pas, Madame Tout à fait. Madame ce soir. Ouais. Madame. Bon, alors vous avez quelque chose à nous dire peut-être, ou peut-être que ouais. Non. Ouais, peut-être ouais, que si. Oui. Allez, d'accord. Pardon. 34e des 101 expériences de philosophie quotidienne. 34. Faire l'animal. Durée, 10 à 20 minutes à répéter. Matériel, aucun. Effet, mutant. Fermez la porte. Le temps de cette expérience, il est indispensable que vous ne soyez pas dérangé. Dès que vous êtes assuré d'être seul et au calme, commencez à imiter l'animal qui vous convient le mieux. Par exemple, respirez comme un chien, la langue pendante avec un bruit de gorge rauque à chaque bouffée d'air. Flairez le tapis bruyamment, insistez sur les pieds de meubles, tournez en rond, allongez-vous une joue au sol, mordillez votre coude ou votre avant-bras, etc. Ou bien selon vos talents ou votre humeur, miaulez, caquetez, blatérez, feulez, hennissez, meuglez, et faites les gestes qui vont avec. N'imitez pas. Le but n'est pas de reproduire des sons ou de représenter des attitudes. D'éventuels dons d'imitation ne vous seront ici d'aucune aide. Ce serait même plutôt un obstacle. Car il s'agit de vous mettre dans la peau de l'animal que vous aurez choisi. Laissez venir. Contrôlez peu ou pas du tout. Selon les besoins du moment, commencez à grogner ou à geindre. Déréglez votre souffle. Traînez-vous par terre. Frottez-vous la tête au mur ou au sol. Bavez, léchez-vous. Ayez des gestes lourds ou aériens. Appliquez-vous, si besoin est, à changer de dents, de muscles, d'odeur. Ayez des griffes, un bec, un pelage, des cornes, à la demande. Tâtonnez pour trouver en vous ces chemins étranges. Vous devrez répéter l'expérience pour y avancer davantage. Aucun résultat garanti. Rien à comprendre, tout à éprouver. Vous constaterez en tout cas très vite que certains chemins sont praticables, d'autres impossibles. Ainsi est-il relativement facile d'être loup, lion ou éléphant, ou encore hyène, antilope, ours blanc. Au-delà des mammifères s'étendent des zones peu accessibles, sauf exception, et sujets heureusement doués. Devenir fourmi, tic, mouche, araignée, etc. est chaque fois très difficile. Serpents, vers de terre, invertébrés en général sont également d'accès malaisé. Les vastes domaines des poissons, des oiseaux, des mollusques offrent relativement peu de prise au transformisme amateur. Sans parler de l'empire immense des bactéries, qui demeure presque entièrement clos. Finalement, le monde est petit. Ouais, petit comme une bactérie. Qui revolte dans le lit. Je suis une bactérie. Une bactérie qui vit revolte dans le lit. Une bactérie. Une bactérie. Une bactérie. Une bactérie qui virevolte dans l'eau. Une bactérie. Je suis. Et vous, vous êtes quoi ce soir ? Un cadavre d'oiseau ? Une bactérie. Sur un cadavre d'oiseau. 35e expérience de philosophie quotidienne. Contempler un cadavre d'oiseau. Durée 10 à 15 minutes. Matériel, un oiseau mort de préférence depuis plusieurs jours. Effet méditatif. Il y en a peu, un peu partout dans la campagne, au printemps surtout, ou au milieu de l'été. Si on se promène souvent, il est inévitable d'en rencontrer. C'est un petit qui est tombé du nid, ou bien un jeune attaqué par un rapace et qui n'a pas survécu à ses blessures, ou encore un adulte qui a pris des plombs de chasse et s'est réfugié pour mourir dans un coin calme. Ne vous souciez pas des causes, ni comment, ni pourquoi. Au lieu de passer votre chemin en laissant là l'oiseau mort, vous allez le contempler. Regardez attentivement les plumes ternies, souvent déjà recouvertes de poussière ou d'un peu de terre. Observez l'œil grisé ou blanchâtre, peut-être évidé, et les fourmis qui vont et viennent, ou quelques vers. Vont et viennent. Notez les pattes inertes, abandonnées, défaites. Cherchez les os si visibles, si fins. N'oubliez surtout pas l'abaissement, la perte, cette façon boueuse et naïve pour un oiseau d'être un cadavre à terre, humilié proprement, mais qu'il ignore tout à fait et s'en échappe dans une profondeur étrangère au sommeil. Sans doute, si vous regardez assez bien, l'œil ouvert grand, vous commencerez par trouver le spectacle triste. Une vie éteinte, un corps déplacé, oiseau gisant au sol, figé. Quelque chose comme l'écrasement, l'échec. L'expérience doit consister à sortir de là, en regardant de plus en plus clairement et plus distinctement. Vous voyez que l'oiseau ne revivra jamais, et aussi qu'il ne ressent rien. Et que c'est ainsi sans recours et sans plainte, sans nostalgie ni récrimination. Plus vous regardez et plus vous devez savoir qu'il n'y a rien dans la vue de ce cadavre qui puisse offrir prise à un regret. Il n'y a que le présent et vous commencez à savoir qu'il est parfait parce qu'il est le seul. Ce n'est pas compréhensible au premier abord. Peut-être n'est-ce en toute rigueur pas réellement donné à comprendre mais à éprouver seulement. En tout cas, ce que vous constaterez, si vos yeux s'ouvrent assez, c'est qu'il n'y a aucun autre monde à voir, que tout, absolument tout, est là, ici, maintenant, au présent, donné. Rien ailleurs, avant, nulle part dans le temps ou l'espace, qui serait différent, meilleur, préférable, comparable, regrettable. Rien que ça. Rien que ça. Quelque chose comme l'écrasement, l'échec. Quelque chose comme l'écrasement, l'échec. Quelque chose comme l'écrasement, l'échec. Quelque chose comme l'écrasement, l'échec. Quelque chose comme l'écrasement, l'échec. Passant, vous écoutez Canal Sud, 92.2 FM, au canalsud.net. C'est Nuisance, Nuisance, l'émission de non-sens, l'émission de toutes les nuisances, de tous les bons conseils, de toutes les bonnes humeurs. Le bonheur est à la télécommande, ce que la bite est au cul, toujours dans un sombre incertain. Tour de donner un bon conseil aux auditeurs et auditrices. N'hésitez pas surtout à mettre la main à la pâte en javelisant puis en récurant grâce à la crème. L'éponge sera de mise, puis le torchon, ensuite le papier toilette pour fignoler. Si vous voyez de quoi je veux parler, levez la main et dites je le jure sur la Bible, et si je blasphème, je mérite d'être pendu par les pieds comme Mussolini. Ou vous dites merde, comme ça. Ou vous dites gare à la merde, comme ça. Merde, gare ou sinon, à la merde. Vous dites merde, gare à la merde. Merde, merde. Et vous dites Margaret Thatcher. Merde. Tas de merde. Margaret, tas de merde. Tas de merde. Mmh. Ça se dit tas de merde, je crois. Tas de merde. On peut dire plein de choses qui veulent rien dire aussi, tu sais. C'est ça qui change pas grand chose à la situation. Alors ça va faire mal. Ouais, du silence un peu, il y en a marre, tout le temps du bruit, tout le temps de la merde. On va parler de plein de choses super bien, comme... Vous voulez parler de quoi, madame? De ça, ouais. Ouais, de super choses. C'est ça? Mm-hmm. Ah ouais, mm-hmm. Cool. Parce que justement, j'étais en train de regarder à travers la fenêtre, en pensant à autre chose, et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal si justement... J'ai fait ça hier. Si on faisait une pause musicale. Celle-là, ouais, elle est bonne, celle-là. Ouais. Alors, on va mettre un peu de musique maintenant. Excuse-moi, je coule du nez, c'est à cause du temps, de la météo, si vous voyez ce que je veux dire. Tout est merdique en ce moment, Toulouse, France. Partout ailleurs, tout va bien. Donc, c'est notable quand même. Allez. Je suis détente. Lorsque vous êtes dans une nouvelle nuit, vous entendez pas les invisibles et pas les yeux au-dessus de tout. Je n'entendais plus de ma tombe, et n'entendais plus de bêlements. Je voyais bien quelques moutons ni pelés ni tendus, mourir en expiration, aussi paisible que forcé. Mais ils s'en prenaient seulement au gardien du cimetière. Ils le traitaient de vieux bandeaux, de vieilles menottes, de vieux galons, de vieux baillons. Il se demandait s'il devait révolutionner tout le cimetière, ou seulement la division des dames seules en fourrure et à manchon. C'était une pause musicale à la façon nuisance, si je puis dire, à la façon Canal Sud, si vous voyez ce que je veux dire. On commence par tuer les oiseaux, parce qu'il y en a trop. Les couleuvres, parce que si on les laissait faire, les hérissons trottant comme des petits porcs, parce que ça serait pas des fois nuisible. Puis on tire sur les biches tremblantes, parce que c'est fait pour ça, sur les ânes sauvages qui broutent, dans le dos frissonne, sous les mouches. Parce que ça sert à quoi, voulez-vous me le dire? Et puis il pue. De plus, il bouffe tout, les salauds. Enfin, un beau jour, on s'en va lâcher des bombes sur les viettes, parce que ce bétail-là, croyez-moi, c'est pas tellement catholique. Ça, c'est des bonnes raisons. À Jules Mougin. Tuer les oiseaux, les couleuvres, les hérissons, les petits porcs et les viettes. Les salauds. Les viettes. Les viettes. C'est un drôle d'enfant, c'est un oiseau. Il n'est plus là. Il s'agit de le trouver, de le chercher quand il est là. C'est un drôle d'enfant, c'est un oiseau. Il n'est plus là. Il s'agit de le trouver, de le chercher quand il est là. Il s'agit de ne pas lui faire peur. C'est un oiseau, c'est un colimaçon. Il ne regarde que pour vous embrasser. Autrement, il ne sait pas quoi faire avec ses yeux. Où les poser? Il les tracasse comme un paysan sa casquette. Il lui faut aller vers vous. Et quand il s'arrête, et s'il arrive, il n'est plus là. Alors il faut le voir venir. C'est un drôle d'enfant, c'est un oiseau, il n'est plus là. Il s'agit de le trouver, de le chercher quand il est là. Il s'agit de ne pas lui faire peur. C'est un oiseau, c'est un colimaçon. Il ne regarde que pour vous embrasser. Autrement, il ne sait pas quoi faire avec ses yeux ou les poser. Il les tracasse comme un paysan sa casquette. Il faut lui aller vers vous, il lui faut. Et quand il s'arrête, et s'il arrive, il n'est plus là. Alors il faut le voir venir. Alors il faut le voir venir, alors il faut le voir venir. Et l'aimer durant son voyage. J'aurais envie d'avoir un hibou dans ma chambre. Un vrai hibou vivant. Une île de ténèbres. Puisque le jour est clair, qu'il fait très beau. Mais qu'il y a dans l'air, malgré tout, de la nuit. Diffuse, insinuante. Et je préférerais l'avoir là, ramassée dans les yeux du hibou. Que je regarderai. Pour être sûr du jour, dans ma chambre. Libellule, demoiselle légère au vol immobile, demoiselle légère au vol supersonique, demoiselle légère preste effarouchée, demoiselle court vêtue d'un lambeau de soleil, demoiselle qui fuit la bise de septembre, quelle grâce inquiète te hante, libellule, demoiselle. Le vol perclus de l'hirondelle froisse un rêve de grand large et le désarroi de la foudre dans le ciel hérissé d'épines au gré des nids pilés sans haine, sans hâte. Terre promise aux confins de l'exil, une planche désertée, sa touffe de copeaux qui veille tire au cœur comme droit d'asile. Étincelle de sang sur la branche, la mésange, pâle, épave, de plumes et d'effroi, raidit enfin sa plainte. Mes insipides rancunes d'enfant peuplent son ombre écorchée, la pierre et la nuit pétrie d'échos lacérés, mes aveux qui suintent, de son chant tranché je tiens vigueur et remords. Libellule. Thank you. Faites au fou, dis-moi tout. Faites au sage, dis ton âge. Faites au chien, ne dis rien. La fête est chez les cigales, ça prend feu sous les étoiles. Faites au fou, dis-moi tout. Faites au sage, dis ton âge. Faites au chien, ne dis rien. La fête est chez les cigales, ça prend feu sous les étoiles. Faites au fou, dis-moi tout. Faites au sage, dis ton âge. Faites au chien, ne dis rien. La fête est chez les cigales, ça prend feu sous les étoiles. Oh les mains, peau de lapin. Oh les bras, peau de pacha. Oh les pieds, peu de souliers. Oh les fêtes, peau d'insecte. Oh les yeux, peu d'heureux. Oh les mains, peau de lapin. Oh les bras, peau de pacha, oh les pieds, peau de souliers, oh les têtes, peau d'ancêtre, oh les yeux, peau d'heureux, oh les cœurs, peau de menteur, oh les dents, peau de serpent, oh les cuisses, peau d'iris, oh les coups, peau de filou, oh les nez, peau d'osier, la peau du marchand de peau. Je la vends contre un bonbon. Oh les mains. Oh les bras, peau de pacha, oh les pieds, peau de souliers, oh les têtes, peau d'ancêtre, oh les yeux, peau d'heureux, oh les cœurs, peau de menteur, oh les dents, peau de serpent, oh les cuisses, peau d'iris, oh les coups, oh les coups, peau de filou, oh les nez, peau d'osier, la peau du marchand de peau, je la vends contre un bon mot. La peau du marchand de peau, je la vends contre un bon mot, la peau du marchand de peau, je la vends contre un bon mot, la peau, oh les mains, peau, la peau du marchand de peau, je la vends contre un bon mot. Oh les cœurs, peau de menteur, oh les nez, peau d'osier, oh les bras, peau de pacha, oh les pieds, peau de soulier, oh les têtes, peau d'ancêtre, oh les yeux, peau d'heureux, oh les mains, peau de lapin, faites au fou, dis-moi tout, faites au sage, dis ton âge, faites au chien, ne dis rien. Prends mes poires, ton armoire, fraise et noire, ton bois, sucre et pain, dans ma main, plume et colle, ton école, et le faiseur de bêtises, bien au chaud dans ma chemise. Thank you. caneton tâtonnant. Oh, j'ai vu des limaces faire la grimace. J'ai vu une libellule très crédule. Puis me penchant encore, j'ai vu un chou-fleur chercher l'heure. J'ai vu un artichaut qui rêvait d'être chaud, chemin faisant. J'ai vu un lampadaire, le nez en l'air. J'ai vu un vélo près de l'eau. J'ai vu un canard en retard. J'ai vu un lapin jouer au crin-crin. Puis j'ai vu des gens mécontents, car ils ne voyaient rien. Vous avez dit « Je t'aime » aux vies d'ordures. Je vous salue aux fruits tombés. Bonjour au sable assis sur vos mensonges. Vous avez dit « Remplacez-nous » au trottoir malheureux, à la fatigue végétale, aux verbes sans vertèbres. Vous avez dépensé tout votre orgueil, retraité de la peur, mot par mot, geste à geste, vous êtes devenu votre potence. Note pour un pluriel. L'aurore sait qu'il faut se vendre là-bas. Des fleuves songeraient à tuer. L'étoile, par contrat, s'engage à devenir étoile. Les choses, cravate, carafon, miroir, où court la coccinelle, complotent en contre vous. Les lilas se détestent. Les neiges trichent. Vous avez dit « Je t'aime » aux vies d'ordures. Je vous salue aux fruits tombés. Bonjour au sable assis sur vos mensonges. Vous avez dit « Remplacez-nous » au trottoir malheureux, à la fatigue végétale, aux verbes sans vertèbres. Vous avez dépensé tout votre orgueil. Retraité de la peur, mot à mot, geste à geste, vous êtes devenu votre potence, votre potence, votre potence, votre potence, votre potence, votre potence. Ultimatum aux vieux oiseaux. C'est à nous de voler jusqu'aux étoiles pures. Ordre aux grands arbres de choisir leur suicide. C'est à nous de fleurir par mille fleurs de sang. Biochimie d'amour, règne du métal juste. L'ordinateur Mozart nous apprendra ce que doit être la musique. L'ordinateur Vermeer nous donnera nos leçons de peinture. L'ordinateur Rimbaud effacera tous nos poèmes. Je ultimatum aux vieux oiseaux. C'est à nous de voler jusqu'aux étoiles pures. Ordre aux grands arbres de choisir leur suicide. C'est à nous de fleurir par mille fleurs de sang. Règne du métal juste biochimie d'amour. Ordinateur Mozart, l'ordinateur Vermeer, l'ordinateur Rimbaud. Musique, peinture, poème. Comme lèvres et mâchoires, comme lèvres et mâchoires, comme cils et résidus. Comme lèvres et mâchoires, comme cils et rétines. Comme cils et rétines, comme ventre et muqueuse, comme paume et melon, épousez-vous. Comme foudre et navire, comme agneau et vautour, comme légende et plomb, comme aurore et comète, séparez-vous. Comme lac et démence, comme langage et crépuscule, comme ivresse et miroir, comme amour et amour, soyez incompatibles. C'est à ce moment précis que tout le monde n'a pas oublié que c'est Canal Sud que vous écoutez et que c'est 43 fois du mairie. Le téléphone 05 61 53 36 95, une adresse internet également, le site www.canalsud.net. Nous sommes situés à Toulouse en France, au bord de ce qui fut autrefois la Garonne, maintenant un fleuve tout émancipé, car la grandeur de la nature est si belle que des fois on s'y perd. La passion est telle que je déblatère tout le temps des ignominies en faveur de la démence. Ici, nuisance a tout le bon sens de bien se nommer. Je t'avais cueilli une maison tiède, mais tu as voulu jouer tout seul, dehors, et tu as joué à mourir. Tu as joué à mourir. Mourir. T'as voulu jouer, hein? Un chien mourait doucement. Son regard ne parlait rien d'autre que d'une chose infinie, incompréhensible comme une mélancolie. On le soigna pour les reins et pour le foie et pour les poumons et pour l'intestin et pour les pieds et pour la tête. Et on lui opéra même le regard. On sut trop tard qu'il attendait son maître. Un chien. Nos pères qui êtes osseux. Nos pères qui êtes osseux. au nom de nos pères qui êtes au sol. On lui avait mis des trous avec beaucoup d'amour, un peu partout, et même aussi plein les poches, qu'elles en étaient bourrées et partout aussi de la crasse, comme poudre de riz. On lui avait mis des trous avec beaucoup d'amour un peu partout et même aussi plein ses poches qu'elles en étaient bourrées et partout aussi de la crasse comme poudre de riz et de la goutte au nez qui goûtait de sa casquette enrhumée. C'était l'homme sandwich de la misère pour faire de la réclame. On lui avait mis des trous avec beaucoup d'amour un peu partout. Le fils qui nous viendra un jour, nous l'élèverons pour les barricades, si la justice n'est encore pas de ce monde. Il marchera dans l'ombre des martyrs, camarade des fleuves, des forêts, des sillons. Une bonasse le suivra comme un ange lent, sur les hécatombes lui portant ses armes, le grain, l'eau, le miel et le pardon. Paisible sera son visage comme fut votre visage au jour de tyrannie, quand mes anges d'un champ libre vous étiez, plus fortes que le malheur et qu'aux errants, chaque soir votre cœur ouvrait notre maison sur les glacis. On l'appellera enfant, puis il grandira plus haut qu'un chêne des bois, ses bras seront des rameaux, où ni des anciens jours notre amour se balancera. À l'appel des pauvres, sa voix lèvera comme un silo. On y trouvera veille entendre sorgue des temps passés. Il fait soleil sur les bourreaux. Mais quand le ciel est doux comme aujourd'hui, à peine teinté de vert sur les collines, quand l'été transporte en ses serres un vent léger aux senteurs de mousse et de vêtier, j'écoute le râle des poissons. J'écoute le râle des prisons venir de 100 lieues s'éteindre aux genoux de notre enfant. Écoute. Il jette au feu de la liberté une brassée de serments. La flamme et ses yeux comme trois étoiles montent en cantique vers l'étoile sereine de votre front. Il fait soleil sur les bourreaux. Quelle est belle la terre. Quelle est belle la terre. Il se demandait s'il devait révolutionner tout le cimetière, ou seulement la division des dames seules en fourrure et en manchon. Ou seulement la division des dames seules en fourrure et en manchon.

dans la tombe, le cimetière retentissait de lourdes belles. Est-ce l'étoile du berger, au ciel, qui en était la cause? J'ai demandé à ma cousine Irène, elle m'a répondu que non. Les moutons ne lèvent pas les yeux au ciel, ils ne regardent que la terre fixement. Et quand la terre n'est qu'un cimetière, ils s'étonnent qu'il y ait dedans tant de gens. Des gens qui ont regardé trop fixement l'étoile du berger quand ils étaient vivants, et qui, pour ne pas la voir s'éteindre dans le ciel, sont entrés dans leur tombe à la dérober. Presque clandestinement. Presque clandestinement. Berceau du toit qu'Avril offrit au vent, là où, de bleu, se cajolait la neige, la rose amour s'ouvre tout grand, chaque syllabe est rire de luzerne. Écureuil, écureuil, mon écureuil tremblant, que trouble une danse d'abeilles, écoute le bonheur de vivre à chaque gland, mûrir en chaque graine. Dans le jour tournant, écureuil, mon écureuil, tremblant. L'appel du coucou. Coucou. Coucou. Coucou. L'appel du coucou. Il est mort. Il est mort, ce coucou. Là. Il est mort écrasé avec l'oiseau que tu regardais tout à l'heure, écrasé par un connard, une connasse en voiture, broyé, aplati comme le mec dans Beetlejuice qui s'est fait écraser par un camion. Tu sais, le mec qui passe entre deux murs en s'enfuyant, tel un cafard à la lumière du soleil qui le tue comme un vampire qui broie du noir. Cafard. Et tu oses me parler d'oiseaux aplatis morts et qu'il faut méditer sur le leur cadavre. Le contempler, oui. Méditer le cadavre d'un oiseau mort qui pourrit, bouffé par les mouches et les poubelles, les mater asticots. Les poubelles et regarder les toilettes s'emplir de merde. S'emplir de merde jusqu'à mettre la tête dedans. Hein? Parce qu'on t'a poussé avec un couteau, la pointe d'un couteau contre la nuque. Mange le cadavre. Un couteau. Mangeons le cadavre avec un couteau de cuisine. Un couteau à beurre. Bien frais. Comme ça, on pourra casser les os avec un marteau. Et les œufs seront durs. Coucou. Coucou. Coucou. Coucou. Coucou. Les œufs seront durs comme de la mayonnaise. L'appel du coucou. La dernière fois qu'on se faisait autant chier dans la vie, c'était sur les chiottes, je crois, ce matin, en me regardant me lever, après avoir fumé une clope, avant d'avoir bu un café. C'est pour les jours suivants. Quand il y aura du fric, on achètera de la coke et on s'en mettra plein les naseaux. Non, c'est pas vrai. En attendant, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et en attendant, on a que du café et de la cigarette. Ouais. Ouais. Tu vas me tuer un jour. Non, tu vas mourir. Si Dieu le feu. Si Dieu le feu, on mourra un jour. Inch'Allah. Dieu. Toi. Tu es le feu. Tu es le feu pas. Tu es le feu craft. Ah non, tu veux pas. Dieu, il attends, fait, tu dis que Dieu veut la vie, je jure. Dieu, non. Il fait moi, fort. Je te dis que non. Dieu fait fort. La force. La force italienne contre le préavis du loyer de Monsieur Dupont. La force de foutir que merde, putain. De la merde. Non, c'est fini là. Soyez fous, c'est fini là. Soyez fous, mangeons du riz, et constipons-nous toute la sainte journée. Ah oui. La surexcitation des grands voyages. Ah oui, la surexcitation des grands voyages. La surexcitation des grands voyages. Paris, les Houches. Bus, train, crémaillère, bus. Le train s'ébranle. Le chef de gare agite son drapeau rouge. Et les enfants, leurs mouchoirs blancs. Maman, papa, vous êtes partis où comme ça? La campagne. Défile. Vous. Une gare parmi tant d'autres, les voyageurs s'engouffrent. C'est bien la direction de Paris? Non, non, Paris, c'est dans l'autre sens. Exactement, ouais. Une femme s'est trompée. Dégagez tous. Tant pis. Dégagez de Paris vite. La machine s'est mise en marche. La machine ne s'arrête pas. La branlante. Que voulez-vous? Machine. L'automatisme. La femme, Jean. La femme, Jean. Et la femme bruyante. Toujours la même chose avec vous. Réveille un ouvrier, alors il sort un livre et lit. La seringue pointée sur le doigt. Mais il ne tardera pas à s'endormir, l'ouvrier, car sa journée a été longue et rude. Bercé par le bruit des roues, le même que celui de la machine de la coupe où il travaille. Il finit par s'endormir, l'ouvrier, en rêvant à son travail. Il rêve que son patron l'augmente et pour lui, le bruit du train signifie « Je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente. » Le CDI, qu'il est doux, le doux bruit du train, un sifflement aigu, c'est l'air qui s'engouffre par une porte, qu'un enfant ouvre, un claquement sourd, le train heurte un mur transparent, la résistance de l'air, un tunnel, l'enfant a peur, il ferme la porte et se réfugie sous la lumière. Démence. Je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande, je te commande. Soudain, un choc, je te commande, je te commande. Un bruit effrayant. Deux trains se croisent. Un choc, je te commande, je te commande. Un souffle, un coup à la mâchoire. Le boxeur est comme le wagon. Et le wagon tremble. Et l'ouvrier est réveillé. Je te commande pas. Qui tremble comme le wagon, qui tremble comme le boxeur. Tout se remet à trembler. Même le doux bruit des roues est cassé. Les sons sont irréguliers, secs, lents, rapides, comme le claquement d'une mitrailleuse. Je te commande pas. France Soir, Paris Presse. Le boxeur, mondialement connu, a abandonné. Plus rien ne tremble, j'arrive au début de mon voyage. Car il me reste le car, la crémaillère, le bus et le train nonchalant de la vie. Le boxeur, c'est moi. Boxeur, c'est moi. Alors boxez-moi. Ouais, c'est clair. Boxer la gueule du boxeur. Pendant qu'il se meurt. Allez. Dis-moi oui, je te... Oui. Non, pas toi. Pas toi. L'autre. L'autre, moi. Oui. Oui. Non. Non. On va plutôt dire non, car ce soir c'est Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net que vous écoutez. Il est 23h, nous sommes le vendredi 10 novembre 2017. Al-Adi. Al-Adi. Al-Adi. Al-Adi. On est le 10 2017 novembre. Et il est 23h. Et c'est le début de l'émission Nuisance. On vient d'arriver, je sais pas qui c'est qui a fait le son avant, c'est des connards, ils sont tout pourris, l'antenne, ça schlingue, ça daube la coque, cocaïne et l'héroïne aussi, et l'amphétamine, ça daube la MDMA à mort, et la méthamphétamine aussi, ça daube le tabac, ça daube l'alcool, ça schlingue à mort le brosse à dents, et ça pue du cul. Le cul, ça pue. Parc à Charal. Ouais. Allez. Allez. Tu vas se cacher, ouais. Vite. On va se cacher. Mais oui, allez. Je vous nomme volontaire, mais oui. On va se cacher. Dépêchez-vous donc. On va se cacher. Allez, allez, vite. Mais oui. Allez, je vous nomme volontaire, mais oui. Dépêchez-vous. Allez. Merde, il y a un problème. On n'arrive plus à se cacher maintenant. Il y a un connard qui joue au piano. Quel bâtard. C'est pas fini. Hein. Donc c'est la symphonie numéro 2 de monsieur... Un chien connard, enchaîné. Un chien enchaîné. On entend les amas de gravier et aussi la nomenclature toujours dorée au four. Ouais, ça va finir, je sais. Bon, ben voilà le mouvement 1. On va écouter le mouvement 2. Mouvement 2, maintenant. Mouvement 2, donc intéressant le mouvement 2. On va écouter le mouvement 3. Je vous rappelle qu'il y a 256 000 mouvements dans cette symphonie. Alors le mouvement 3, maintenant. Mouvement 3. Écoutons bien. Une puce prit le chien. Écoutons donc le mouvement 4. Une puce prit le chien. Le mouvement 4. Toujours la même chose. Pour aller de la ville au hameau voisin à la station pareil du Maroni, elle descendit vos papiers. Sauf que... Dylan coiffé d'un képi. Je n'en sauf ai pas. Que... La chose n'est pas évidente. Mais... Une puce prit le chien. Les choses changent. Pour aller les de la ville au hameau voisin. Change. À la station du Maroni, elle descendit changer. Vos papiers. Dylan coiffé d'un képi. Il y je n'en ai pas. Dans la régie. Alors que faites-vous ici? Je suis infirmière et fais des piqûres à domicile. Il est important de le savoir. Pas de la puce. Non. Une puce prit le chien pour aller de la ville au hameau voisin. À la station du Maroni, elle descendit vos papiers, Dylan, coiffé d'un képi. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je suis une puce sans papier. Et un connard d'âne à képi qui vient de me les demander. Je viens. C'est ce qu'il vous dit, Al. Tu es à mon voisin. Je viens de prendre le chien. Il en a rien à foutre. J'aimerais bien descendre à la station du Marronnier. Il vous emmerde. Je fais des piqûres à domicile. C'est tout. De la ferme dans un tonneau défoncé, le chien mal défoncé, rasé aux yeux de saltimbanque. Défoncé tout le temps la même chose. Regardez la lune. On peut pas être tranquille, tout le temps on parle de défonce. À l'entrée de la ferme dans un tonneau défoncé, le chien mal rasé aux yeux de saltimbanque. Regardez la lune. C'est dégueulasse. C'est l'histoire d'un chien saltimbanque qui a les yeux défoncés qui regarde la lune. Il est défoncé, ouais. Comme d'habitude, les chiens c'est toujours défoncé, c'est pour ça que je ne supporte pas les chiens, je préfère bien les chats. Les chats ça se défonce pas. Oh merde, j'ai rien dit là. Je plaisantais. C'était une blague. Me défonce pas, je ne suis pas un chien. Je n'ai aucun intérêt à être défoncé ce soir. Donc si on peut être un tant soit peu clean. Clean, oui, je sais, ouais. Clean. Clean. Le mot de ce soir, c'est le clean. Je n'ai pas le spleen, comme tous les vieux poètes. Je combats le spleen. Je clean. Avec l'aspirine. Et l'aspirine aussi, quand j'ai mes règles et ça pisse. Vagabonder à son aise. Je kiffe. Il n'aboyait jamais, sa voix était cassée, il n'attendait personne. J'adore le son du sang. Son maître rentrait tard, la nuit, en clink. Titubant. Clink. Clink. Le vent caressait son échine. Ce pauvre chien. Ce pauvre chien. Enchaîné. À l'entrée de la ferme dans un tonneau défoncé, le chien mal rasé aux yeux de saltimbanque regardait la lune. En chien. Vagabondé à son aise, il n'aboyait jamais, sa voix était cassée. En chien. Il n'attendait personne, son maître rentrait tard à la nuit, en titubant. Bon. Caressait son échine. Mais les enfants avaient peur de sa mauvaise mine quand il sortait de sa niche. Sa chaîne, derrière lui, faisait un bruit d'enfer. Il ne songeait à rien, pas même à la liberté. Et sculptait des os pour tuer le temps devant les canards médusés, plantés devant sa loge comme devant un musée. On l'avait condamné à la réclusion à perpétuité. Maintenant, il lapait sa soupe à petits coups de langue dans la somnolence des pierres et des racines. Il mesurait d'un œil limpide la profondeur du ciel. Passe la bière, c'est important. Il y a un mec qui vient de crever en prison tout de suite. Il faut boire un coup de bière à la santé de cette personne. Je sais, c'est dégueulasse. La bière, mais il faut le faire. En titubant. Le vent caressait son échine, mais les enfants avaient peur de sa mauvaise mine quand il sortait de sa niche. Sa chaîne, derrière lui, faisait un bruit d'enfer. Il ne songeait à rien, pas même à la liberté, et sculptait des os pour tuer le temps devant les canards médusés plantés devant sa loge comme devant un musée. On l'avait condamné à la réclusion à perpétuité. Maintenant, il lapait sa soupe à petits coups de langue dans la somnolence des pierres et des racines et mesurait d'un œil limpide la profondeur du ciel. Lorsqu'il mourut de vieillesse ou d'oubli, on lui ôta son carcan. Pour la première fois, Pierre de la Faille, Pierre de la Faille. Pierre de la Faille de San Andreas, je connais ce mec, c'est un pote à un connard je crois, l'autre trou du cul qui écrit des trucs merci. Ah, machin tu sais. Et aussi c'est un mec sympa parce qu'il connaît la meuf là que notre pote il connaît, tu sais l'autre, machin truc là, ouais de San Andreas aussi je crois. Et aussi il y a mon voisin qui a rencontré le mécanicien de Fred Astaire je crois. Ah, mais ouais. Oui, c'est le coloc à Barbara Streisand. À Zbignouf. Ouais. Et l'autre. Mais ouais, je pue l'apéro là tout à l'heure. Ouais, je non, crois. Grave, c'est clair. C'est clair. Ouais, il faut absolument qu'on tape l'apéro avec Michel. Il y a Sardou qui revient à donc, la télé. Guince, s'il te plaît, boum boum quoi. Bar. Bam, boum boum, Lucien Bonafé. Parce qu'on n'a pas envie de oui. Prendre les choses dans le bon sens et parce qu'on tourne les pages à l'envers parce que genre on se la joue à Japon, tu vois, on se la joue. Et ben je vous propose la 23e des 101e expérience de philosophie quotidienne. Craindre l'arrivée du bus. Craindre l'arrivée du bus. Craindre l'arrivée du bus. Durée 5 à 10 minutes. Matériel, une ligne de bus, donc je crois que c'est pas de problème. Effet, soulageant. Soulageant. L'attente. Double face. Occasion de calme, de contemplation, pour qu'arrive le moment attendu. Rien d'autre à faire que de patienter. Non. Cette passivité est éventuellement source de jouissance. Merde. Le temps s'écoule. Non, de toute façon, je n'écoute cette pas. Certitude a quelque chose de rassurant. J'en ai rien à foutre. L'attente peut aussi terrifier. Ah ! Ce qui va surgir n'est pas définition, jamais tout à fait contrôlable, jamais totalement prévisible. Expérimentez cette peur, sans objet défini. Employez-vous à l'étendre, à la grossir, comme à la loupe, à la faire croître en intensité, comme en durée. Installez-vous à un arrêt de bus. Bien souvent vient un moment de flottement comme... avant que le bus arrive. Non. On ne sait pas avec exactitude combien de temps il faudra patienter. Le bus a été pris dans un embouteillage. Non, je ne veux pas écouter victime d'une panne. Une manifestation imprévue l'a retenue pour longtemps. Je n'ai pas entendu. Vous serez en retard. Je refuse. Il faudra chercher un autre moyen de transport. Fournir des explications, téléphoner pour prévenir, voire modifier l'emploi de votre temps. La journée entière risque de basculer dans une série de retards en cascade. Vous voyez se former l'éventualité d'une longue série d'épisodes chaotiques. Oui. Non. Partez de cette inquiétude mineure et banale. Transposez, brodez. Dites-vous que le bus arrivera peut-être sous le contrôle de terroristes, bourrés de dynamite, bientôt dépourvus de freins. Non. Il déclenchera une série de catastrophes impossibles à endiguer. Sans doute transporte-t-il un nouveau virus, une arme bactériologique meurtrière. Oui. Le conducteur est un extraterrestre. Non. Les passagers sont tous ses complices. Ils sont tous morts. Tous ceux qui sont montés aux arrêts précédents ont déjà péri en hurlant. Ouais, c'est bien. Continuez, amplifiez, exagérez. Ouais, peu grave. Importe que tout cela soit grotesque, que vous n'y croyez pas, que vous puissiez en rire et demeurer convaincu qu'arrivera bientôt un bus banal, sans surprise. L'important est que vous expérimentiez une appréhension. Même mineur, un léger décollement de la certitude. Le seul fait d'avoir évoqué ces suppositions rocambolesques laisse un reste. L'idée confuse de quelque événement redoutable demeure comme une fissure infime, une faille possible dans l'enchaînement normal des faits. Le bus arrive. Vous montez. Tout paraît normal. Non. Oh, j'ai vous êtes sûr ma vous télé. En êtes sûr. J'ai perdu ma télévision dans le bus. Où est le bus? Avec mon chien et la télévision, je veux mon chien. Poisson bubule, passe-moi l'aluminium. Fais de la cendre. C'est pas le moment de parler de cèdre du Liban. Non. Il ne faut pas s'inquiéter. La démesure n'est pas de ce n'est. Non. At the radio. I'm at the radio. Yeah. I'm at the radio. I'm at the radio. Okay, it's cool. Radio, yo. CH. Who are you talking to? No problemo. Hey, mama. No problemo. No problemo. Lisa? Okay. No. Lisa, it's cool. Your birthday. See you later. Oh, shit. Yeah. In a while. Crocodile. Crocodile. I'm dialing like a number. It's yeah, like the style. It's down for a number. Oh my god, I'm such number three. Dumb freak for god. I'm dumber than you I'm are. I'm so sorry. I did I do like crazy? I'm stupid. Did I? Dumber. It's okay, right? Oh my god. It's too late anyway. Okay, it's fuck. Too late. C'est l'histoire ancienne, tu sais. On parlait de quoi? On parlait de des mesures, c'est ça? Unable to calculate the right doses of everything we need and recipe. This ain't no recipe. This is a disaster-py. Recipe for disaster. Disaster-py. Resister. Yeah. Let's die now. Let's kill each other. Yeah. Let's take our wounds and split them in half. Will you forgive me for my... No. Blah, blah, blah, blah. Never. Never forgive. Let's Sorry, torture no. you now. Okay, so I take the wound, I'm opening it up in two, and then I see the blood pus out with the pus and jism come. Jism. It's disgusting, I know. It's gross. Let's talk about shit, you know. Let's talk about shit. No, just shit, you know. Just like shit. Oh my Okay, fuck you all. Fuck you all. We can say whatever we're in English. France doesn't understand English because they're stupid and fucked up in the head. So we can say fuck you. We can say fuck you in English, but we can't say it in French. On peut pas vous dire d'aller vous faire foutre en français, c'est pas possible. Imaginez qu'on va mourir. Parce qu'on est censuré en France. On est censuré. Imaginez que vous allez. En anglais, on peut dire aller vous faire foutre, mais on le dit pas. Pensez bien qu'on pense pas des choses pareilles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous. Oui, vous. Oui. Go fuck yourselves. Okay. Fuck your mother. Allez, comme on and continue father. À remonter just le fil vers l'arrière. And dirt. And plenty of dirt. And I want some jizzy come too. Just a little with the blood, you know. And I'm plus. Really sorry. Please. I'm not saying your name. Mrs. Please. Yeah, will you help me for the jizzy come or at least for the but pus? But I need to like blood, you know. Apologize, I guess. No, don't apologize. It's too late. Well, blood. I want blood. Okay. Blood. Okay, blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. And just me come to se like, représenter des entassements d'organes dans mon cul. Oui, j'ai bien aimé ce bruit-là. C'est donc la 18e expérience quotidienne de philosophie quotidienne. Ouais. Expérience quotidienne. Ouais. Merci d'ailleurs, Roger Paul Droit. Ouais, grave. Ouais. Donc 18. Se représenter des entassements d'organes. Entassements d'organes, donc. Durée 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes. Matériel. Matériel. Planche anatomique. Planche anatomique. C'est facultatif. Facultatif, scalpel. Effet pistolet. Impitoyable. Impitoyablement. Le principe de départ est simple. Une main animée sur un corps humain n'a rien d'angoissant. Vous ne la remarquez même pas. Ou bien si quelque chose en elle attire votre attention, sa finesse, sa subtilité, ou au contraire son aspect trapu, carré, trop court, c'est d'une manière significative, vivante, porteuse d'associations, d'idées immédiates. Au contraire, une main inerte, détachée du corps, isolée, vous tiendra d'abord en arrêt. Quand ce n'est pas une main célèbre, mais simplement un moulage en plâtre, la main de Voltaire, celle de Chopin, etc., l'effet peut être sidérant. Ainsi arrivait-il aux hommes de Sakhalin de jeter la main coupée de l'un d'entre eux dans les cargaisons en partance pour dire au monde qu'ils existaient. Dépecez-vous vous-même et jetez vos membres en silence, s'il vous plaît. L'effet est encore autre et bien pire quand des mains entassées, imaginez même simplement des mains en plâtre, en carton ou en bois, sont posées les unes sur les autres comme un monceau d'objets. Quand des fragments de corps humains, tous d'une même sorte, sont entassés pêle-mêle comme des objets dépourvus de fonction, des bouts sans identité, le malaise qu'on expérimente est très particulier. Bah en gros, ouais. Ouais. Faudrait qu'on se coupe tous les membres, qu'on les entasse, enfin pour qu'on puisse faire une idée. Quoi. Ah ouais. Rien à voir avec les étals de boucher. Non, rien à voir. Vous pouvez traverser des halles ou de grands marchés de viande. Tomates cerises, par exemple. Avec écœurement. Avec un peu de beurre. Et une soudaine lassitude. Et du sel. Mais vous trouverez le sens et l'exhibition monotone des chairs mortes. Pourquoi tu cries? Enfin, vous saurez, pas, madame, s'il vous plaît. Vous saurez que c'est usuel. C'est usuel, d'accord. Ouais. Quand vous imaginez des mains empilées ou un tas de bras ou des morceaux quand de pieds, vous ne savez que faire de cette représentation. Eh ben, parce que chaque faire. Main ou chaque parce pied appelle un corps, réclame d'être attaché à un membre replacé dans un ensemble. Et aussi parce que le tas lui-même les paralyse encore autrement. Il ajoute à la solitude absurde de l'organe une autre horreur, celle d'être pris dans une multitude insensée d'abandons similaires. Nul ne peut rien faire de cette similitude. On peut comprendre en effet que ces écrous semblables soient rangés ensemble, ainsi que n'importe quelle catégorie d'objets. Il n'y a pas de motif humain compréhensible pour que soient entassés des organes humains. À défaut de pouvoir contempler réellement de telles images, vous pouvez vous appliquer à les halluciner. Imaginez qu'ici, juste en face de vous, s'entassent des jambes. Une centaine environ. Rien que des jambes isolées, de diverses couleurs de peau, de divers âges, de pleines et rondes et déridées, de petites et des grosses avarices. Des poilues et épilées, des livides et des rougeaudes, des bleuâtres et sanguinolentes, tournées à peu près dans tous les sens. Voyez les orteils, écartés, ou ceux qui se chevauchent, les ongles perdus, les veines aux chevilles, les genoux, les genoux qui saillent, ou s'estompent. Vous pouvez répéter cette expérience avec seulement des doigts, des épaules, des seins. Vous pouvez tenter de la poursuivre avec des cœurs, des poumons, des foies, mais le résultat, quoique peut-être plus écœurant et moins troublant que si vous imaginez des têtes, visages défaits, yeux clos ou ouverts, lèvres bleues, cheveux collés pour la plupart. Vous pouvez même concevoir un monde où l'humanité, au lieu de demeurer en vie normalement, aurait été dépecée et rangée par tas de carrefour. En carrefour, des piles d'organes entassés, marquant au bord des routes le triomphe d'un ordre nouveau. Vous pouvez même concevoir une morale où l'humanité, au lieu de demeurer en vie normalement, aurait été dépecée et rangée par tas de carrefour en carrefour. Des piles d'organes entassés marquant au bord des routes le triomphe d'un ordre nouveau. Vous pouvez répéter cette expérience avec seulement des doigts, des épaules, des seins. Vous pouvez tenter de la poursuivre avec des cœurs, des poumons, des foies. Mais le résultat, quoique peut-être plus écœurant, est moins troublant que si vous imaginez des têtes, visages défaits, yeux clos ou ouverts, lèvres bleues, cheveux collés pour la plupart. Quand vous imaginez des mains empilées ou un tas de bras ou des morceaux de pieds, vous ne savez que faire de cette représentation parce que chaque main ou chaque pied appelle un corps et clame d'être rattaché à que le tas lui-même les paralyse. Multitude. Tu m'as touché première fois. Un cadavre. Vous êtes n'importe où en bas. Vous êtes n'importe où en bas. Ah, j'ai craché sur le micro, rien à foutre. C'est dégueulasse. Vous êtes n'importe où en bas. C'est dégueulasse. Oui. Et alors. Vous êtes n'importe où en bas. C'est dégueulasse. Nous flottons tous en bas. C'est dégueulasse. Nous flottons tous en bas. C'est dégueulasse. Ouais, alors, dégueulasse. C'est dégueulasse. Un peu de piano, reggae, atmosphère. J'en ai marre du piano, maintenant on va passer à autre chose. C'est si bien ça, hein. Et ça paraît mieux. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud.net, c'est une nuisance, d'émission de toutes les nuisances. Avec madame ce soir, monsieur. Surtout dire que maman, papa, c'est spécial dédicace. Merci. Merci beaucoup. Fierté. C'est super con, je suis pas super content. Je suis super content. Ouais, je suis super content. Ravi. Super, super content. Donc justement, j'aimerais te dire quelque chose. Je sais pas quoi, c'est tout. Ouais, y a un truc à m'interroger. Ouais, alors, il y a un truc à m'interroger. Ouais, alors là, c'est un truc comme ça. Ouais, alors là, c'est un truc comme ça. Ouais, alors là, c'est un truc comme ça. Don't know what it is you're going to say, but you still said something. No, I didn't say anything. I'm not saying. Then you what you were gonna say, but no, I wouldn't say anything. You spilled something. I don't want to say anything. You spilled something. I spilled my beer on the computer. Damn it! God damn it! You spilled. Blaspheme. Vous êtes que blasphème. C'est un pays de mécréants et de plagiat, de plagistes. Ce pays. Si, là, celui-là, je veux dire. Je sais pas lequel, je me sens plus lequel. Mais il y a un pays là, c'est un pays de plagistes et de propriété intellectuelle de mon cul, ouais. Rien à foutre. Ouais, alors ce pays, justement, on a rien à foutre, tu vois, justement. Alors, tu vois, c'est des plagiats et. Et tout ça, c'est une propriété intellectuelle, tu vois. C'est la culture. Ok, mon cul, ouais. Well, I'm not going to be able to do that. pour rigoler, hein. Tu la veux maintenant ou plus tard? Ah non, non, non, non, la concentration, ça vaut rien. Il faut pas se concentrer, il faut être attentif. Fais quand tu veux. Bon, ben... C'est rédhibitoire, hein, ce genre de questions-là. Rédhibitoire. Voilà. De manière générale, ouais. Un jeu que je propose pour la première fois. C'est-à-dire quoi, ça? Dont je découvre les mécanismes en jouant avec les enfants. Ah bon? A plus de chances de réussir qu'un jeu que je répète devant une autre classe avec moins de passion. Ah bon? Sans doute. De quoi? Et dont j'ai trop tendance à imposer les règles. Quelles règles? Déjà établies. Comment? Le principe fondamental. C'est-à-dire? Son étrangeté légitime. Hmm? Là encore. Programme. Je vois pas. Souligné. Peut-être. Note. Un. L'enfant. Quoi? N'est pas. Non. Perdu. Non. L'école maternelle. Si. Je. Non. Plutôt de peut-être. Développer ce que... Avant. Groupe. Après. Tricher. Ouais. Singer. Tout le temps. Différent. Mentir. Vivre. Tout le temps. Boutade. Pour faire. Question. Exprès. Rechercher. De façon à... Enseigner. De façon à montrer... Tout à l'heure. L'enseignement. Ce matin. Aux enfants. Qui puent du cul. Dans une sanisette. Enseignement. Place bleue de Chine. Car les enfants, eux, sont nettoyés. Ma à l'aloe vera. Mon ami. À l'aloe vera. Non. Tous les matins. Non. Tous les matins. Avec huile d'olive. Papier toilette, aloe Roger. Vera. Roger Juchard. Peut-être du chocolat, c'est ça? Mmh. Non. J'aime le chocolat. La pâte de cacao. La pâte de cacao. Cacao. L'enseignement, cacao. Tout compte. Cacao. Avant tout, l'enseignement. Cacao. J'aime beaucoup... Cacao. Cacao. Cacao. Ouais, alors, il y a un truc à matin. Ouais. On parlait de cacao, donc justement, je pensais en faire. Donc, je vais en faire une pâte. Et tu sais quoi, la deuxième pâte? Eh ben, t'auras qu'à te la faire, toi. On est d'accord, là, comme ça? Mm-hmm. Tout va bien? Mm-hmm. Bon, d'accord. Ben, moi aussi, tu vois, je vais bien. Vous dites-moi tout. Faites aux sages, dites vos draps. Faites aux chiens, ne dites rien. Amis de toutes parts, reviendrai-je chez vous partager vos paroles. Vous mettez une fête sans cesse commencée. Avec vous, je célèbre l'été qui se prolonge, la moisson continue, gardée au fond des soirs. Amis de toutes parts, reviendrai-je chez vous, partager vos paroles. Vous mettez une fête sans cesse commencée. Avec vous, je célèbre l'été qui se prolonge, la moisson continue, gardée au fond des soirs. Amis de toutes parts, je vous offre le feu. Ma soif et ce poème, ami de toutes parts. Je vous dis, je t'aime. Je vous dis pas bonne nuit, bande de chiens. De chien. Le temps est prisonnier d'une épine. On attend la fleur rêvée sans fin, l'énigme et sa pourpre. C'est toujours le moment de dire ce qui veille sous la paupière close de l'automne. Ha, le temps est prisonnier d'une épine. on entend. La fleur rêvée, sans fin l'énigme de sa pourpre, c'est toujours le moment de dire ce qui veille sous la paupière close de l'automne. On rajoute le rire à l'aigu des fontaines. Une monnaie usée comme l'âme est le prix de cette solitude aux portes de la rose. On ajoute le rire à l'aigu des fontaines. Une monnaie usée comme l'âme est le prix de cette solitude aux portes de la rose. Le temps, prisonnier d'une épine. Planète, je secoue le tissu de la nuit entre mes mains qui pensent par silence. Et vous tombez en fruits, en feuilles, en sable, dans la bouche inlassable des ruisseaux. Planète, je secoue le tissu de la nuit entre mes mains qui pensent par silence. Et vous tombez en fruits, en feuilles, en sable, dans la bouche inlassable des ruisseaux. Ici, où tout se joue près de l'arbre et de l'eau. Sur cette étroite terre inscrite dans le verbe à jamais, au mot vert, l'univers infini et ses océans d'astres n'est que l'air qui commence aux branches du verger. Ici. Tout se joue près de l'arbre et de l'eau. Sur cette étroite terre inscrite dans le verbe à jamais, mot vert. L'univers infini, ses océans d'astres n'est que l'air qui commence aux branches du verger. Branches du verger. Les branches du verger. Ouais, vas-y, verger. Les branches du verger. Les branches. Tabaka, oui. Tabaka. Tabaka. Non. Si. Des mesures, tu auras platitude, même que le platine est de bon augure ce soir, le disque est mou, le disque est mou. La planète le en forme de disque est molle comme le cerveau, la matière molle du cerveau qui grisâtre et rose assez. Assez de cette matière-là pour financer un financier aux amandes. Un friand. Avec jambon fromage. Plein de tuiles aux amandes. Parce que les amandes, on aime ça. Ouais, les beurres. Et les tuiles aussi. Tuiles aussi, j'aime bien les tuiles. Parce que les amandes et les tuiles, c'est les financiers qui les font. L'hôtel de la démesure. Qui se trouve au 148 bis de cette même rue, fréquenté un tant soit peu par d'autres que nous, même que ce que je dis, c'est vrai. Ah oui, tellement vrai. Non, c'est pas vrai. Si. Non, parce que t'as dit oui, alors c'est moi, pas vrai. Moi, j'ai dit que non. Bah que d'accord, si, c'est peut-être. Oui, alors c'est vrai. C'est pas si. Je suis pas forcément d'accord avec moi-même, tu sais. Pfff, s'en fout. Ouais, je sais, ouais. L'enfer, c'est sur Terre. C'est pas toi. Tu veux même pas un enfer. Bah non, je suis pas un enfer. Y'a rien à faire avec toi. Moi, c'est le paradis, moi. Ouais. Non. Kabaka. Kakaba. C'est un truc comme ça, que sur les oreilles. Et j'ai remarqué que sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM, il se passait des choses étranges et variées des fois. Et ce soir, c'est une de ces fois où les choses sont variées, tellement étranges et variées que même les étrangers ne s'y reconnaissent pas. super, tout fait, tout seul, sur Canal Sud. La magie opère, la magie à la paire. On a remarqué sur l'antenne du 43 Alfred Duméril une certaine activité post le soir, donc plutôt la nuit, et cette activité opère de nuit, donc comme on a dit, chef. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour se faire pardonner? Est-ce qu'il faut frapper un juif ou taper une vieille? Peut-être il faut-il embrasser un SDF, c'est ça, chef? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, sortez vos armes, en tout cas, c'est sûr. D'accord, on a compris, chef. Sortez vos armes. On sort nos armes, d'accord. Et sommation, voilà, d'accord. Tout ce qu'il faut pour pouvoir tirer, par d'accord. Les problèmes, On tire en l'air d'abord comme des cowboys, d'accord, il n'y a pas de problème. On tire en l'air comme des cowboys. Et on fait yiha en faisant nos képis. D'accord, chef. Yiha, allez, yee-haw. Ouais, ben bah, voilà, on est des keufs. Yee-haw. On est des vrais keufs, nous. Je te raconte mes tortues. Plutôt la torture, ouais. Non. Pourquoi pas? Kawan. La plus petite. Kau. Non, mais laisse tomber, gros. Je peux un peu rigoler. On peut appeler. Bonsoir. Je vous rappelle que madame, vous êtes attendue en salle régie pour vite, prestement. Oui, patiemment, oui. Non, pas ça du tout. color and mood. Pink, white, black. Let's skip a few pages. May I start? Wait, haphazardly. Yeah. Please help me. Kill me. Please kill me. Please kill me. So's to say, non-remaining, the circular realms glitter. And this may only become goldy, like locks unlocking themselves. Tout me va, car c'est en cela que l'abscisse de l'ordre donné, toujours en travers de gorge, en soutien qui n'est rien, que, justement, maladroitement bandé et rebouclé. Loads of locks unlocking themselves. Beauty erupts through enlightened skin impacted from sunlight. Through, je n'ai pas su la mer avant la vue de celle-ci, non. Through. So's to. So be itness, as suchliness disappear behind suchness, is he part of its own quality of state, or should I say state of quality? Je t'aime, ça gêne, la queue. C'est vrai, c'est gênant, la guerre. Et pour ainsi dire, jamais je ne t'aimerai. Pour ne pas se perdre, nous. And around. Il y en a qui sont morts en pourrissant, en attendant. Tac ou pas, tous s'en vont. Et c'est la mer des éléments. Elle et il flottent en l'air. In the mid-space. So's to where. Whenever is the sudden infantilizing of an error done through adverse territories of plucked insanities down on them. Alors qu'à présent, à maintenant, c'est la même bonne et juste chose. Je veux mourir. Je veux mourir encore, pour toujours. Par toi. Supplication. Car c'est par l'ainsi que l'on accepte le non-refoulement, ou parce que l'on repousse à mériter de voir. On se pousse à mériter de voir. Quelle farce. Là. Là. Là, j'ai dit jusqu'au non-sens. Puis j'ai cessé de la rature. J'ai cessé la rature. Et quant à la plume d'un oiseau envolé, une volée méritée. Pour autant que pleuvoir pluie, non mais déjà, mais jamais dans la discorde. Ainsi faire est bon, donc le faire ainsi est bon. It's a joke. Dumbass est meilleur que le vent qui pue. Alors que même les autres, même. Non, c'est impossible. Même quelqu'une de dysfonctionnel a un fonctionnement, la fin de la souffrance, de la douleur, de la souffrance infinie. Les coups portés mélangent les atrocités vécues en témoins ou non issus des cases adorées en alphabet plutôt mauve. Du reste, ou violet, noir. Le rouge qui vient au cœur ne fait pas oublier la douleur. Oui, mais absolu n'est pas, non démentiel non plus. Alors, reprenons les affaires et les puces de lit et rêvons. L'invention de toi persiste jusqu'à moi. Invention illusoire aussi. Lettre T, illusion pour l'être, est pourtant vrai, donc l'être se trompe. Cet être-là, il ne peut la voir ni la sentir, mais on peut l'être. Oui, rêvons. À devenir meilleur, les meilleurs. Oui, à rêver. Et c'est ainsi que se brisent les mille échardes de nuit obscure. Rarement les portes sont des piques assiettes, mais en même temps, rarement. Jamais, oui, car jamais est recevable, comme rien à l'heure. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Pour s'entacher d'ignorants délices. Et c'est pourquoi je veux vivre, c'est pourquoi je nous veux vivre. Je nomme la perte de soi et la voix l'entend. Et c'est tout. Mais alors que, c'est une formulation, au visage. Pas de cataclysme, pas d'ouverture, des failles, rien. Donc, quand on dit que le pipeau existe, c'est vrai, oui. Et c'est ainsi que fondent les marionnettes auto-abusées sexuellement. Je demande bien plus, et là, et le blâme, le phare et les vides, le problème. Et ces insures-là, pour ainsi dire, ne pas contrôler eux. À refuser le renoncement, à accepter. Et c'est pour jamais. La défaite. La défaite. Car changement, change, changement. Le tout. Aussi. Oublions-nous. L'œuf de feu. L'ordre cosmique auto-incréé. Et le toi, c'est moi qui me le hisse. Pour des raisons à funeste ignorance. Tout, c'est ainsi que l'on souffre de la vie, en vie, par la vie et pour la vie. Les azurs ne blêmissent point l'aurore qui ouvre la croix, se démène soi-disant, pour ou contre. Qui peut voir le son effectivement réel des ordres, c'est tout ce que j'ai pour moi, des impératifs. Ne mens pas celle-ci de là, la la la. Ne nomenclature pas. Il réside in corporalities, the capacities to create are numerous. Qui oserait ouvrir la porte de la voix qui nourrit l'âme? Je ne transgresse pas, je m'ennuie, je vis d'abat-jour déconfit. Et l'appareil de mesure, le cerveau, influe sur la mesure par réaction. Coincidentally mix the spice into being suchness. Pourtant, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'autre qui n'est que malentendu. Alors que c'est la vie. non démesurément les Aztèques, non de l'argent que l'or. Pour le défaire, là, qu'importe, car mort d'avance. Do not stare at the multitude. Watch out for singularity. Nous le sommes en semant la vérité de nous apparaître. And the whole time, same Lies. Old shit. Shit. Shit. Dear doctor, cry on me, please. Cry on me. Shit in our pants. Ainsi, les incitations, elles n'obscurcissent en rien le discours là. Lies making me stare into their crown of feathers. Manque de tact, et c'est ainsi que se font les minorités, le sexuel. Les meilleures tacticiennes font leurs les objets des hommes. Le zob. The mask of security falls when one's lonesome self catches up with me. C'est ainsi que là, les choses tourneront, mesure de si. Car assujetti à l'influence, tout à chacun, les oublis nécessitent. Éponge le fait, not that caring, et pour ainsi dire à jamais mourir, être au cœur du fond des brumes. Le fait est que vivant et vivant s'octroie le droit d'écouter. Energy coincides with being, la peine, vaine résolution. Des baptismales jusqu'à en revouloir pour oubli. Elsewhere, the shit, the whole way down to the lot of pits. Sveltering vers le bas qui facilite par oubli et rêve. Ah, and I don't know nothing no more. Shit. That's for sure. Yeah. Je me laisse éphémère laisser respirer la respiration. Je me laisse laisser souffler le souffle. Nothing. I haven't found the causes or causes. Not yet. Auto-incréé, alors que j'existe, me parle en compréhensible, en inconcevable, en non-né, en continuum space-time discontinu, moi. Car vivant, ou devrais-je dire vécu? And that's that. Like feathering lightly in the wind the whole time. Mais là, c'est l'inobscur qui vint, alors qu'ici, c'est le non-clair qui gagne. Abscond territoire non adverse, my brother is an adverse being in hell. À être perdant. La vie est difficile. It is so full of it. Shit, I mean, the undulations. Les gouttelettes. And I... One minute. All the way. Shh. The meaning, c'est sûr. L'énergie coule le long. Comme si ce ne pouvait être que tergiversation et délatérance. Délatérance. Computer science bores to death. That's for sure. By pack of vertebral. Bondé. Vertébral. Bondé. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Et tout le contraire de complexe. De recueil de As Homo Lupus, Wolfman, mémoire du corps. C'est facile. Car l'aide n'apparaît pas plus que le bleu n'est déjà là. il soit comme l'autre. Elle, je veux dire. Ouais. Un petit paquet se fait. Pour ainsi dire, à jamais, la trompe ne bêle que de travers, déjetée en l'air contre le sel, le sol, ramenée dessous comme à son bien entendu. Non-meaning elsewhere does not deserve screams and sludders, understands everything in it knows. Shudders. Understands everything it knows. It knows, which is not much, is to be doubted. Yes, alors que sans problème, il n'y a pas de solution. Vous n'êtes pas peu. So to go the way up the whole time together alone. Comment être sûr? En parlant. Donc, I was saying, I calm myself down, I cheer myself up, avec plaisir, désir, c'est, you know, pleasure. Suffisamment. Incité suchness, give it to me, possibility, come over here, if you please. Et suffisamment. Non-thought silence is the sole way I have found to at least partial, if not unite, peace. And as a chosen goal, object territory of round and square angles, uncertainty, not anguish rising to the inner fortress, lodging, home, things will be fine, remember. C'est beaucoup le non-soi que le soi, et c'est ainsi que l'on nomme le mensonge. And as a foreclosure of an act, I ritualize forgetfulness, not even. As if touching the surface of the membrane is organic, up and away. Away. Non, pas seulement de vanité, et d'agacement, mais aussi de la ferveur réciproque, passionnelle. Elle n'a fait que démener. Staying there. Does it not unfold the layering, seeing through them, the singularity, or is it wishable for, or is it sounding crazy? Or psychosis, where nothing happens. The mind of schizophrenic structure. Oh. Rien ne m'appelle. Tue-moi, s'il te plaît. Élimine-moi le mal. Should I say? Of psychotic consequences, admittable ones, tends to. I just so happen to be the way where are triumphing down these here. Here, flowers and bugs. So to say. La difficulté, elle aussi, m'obstrue pendant ce temps-là, pour toujours. That's a mind thing. N'est-il pas né? Le poisson mort un jour. N'est-il pas né? Bend the effectivity of the thought patterns against the will of the round, the square, as said. Raide, des rides insonnantes et trébuchantes douilles, mais pas d'ampoule, non, pas d'ampoule. The drumming of the files against the non-seeming-like corridor of the staircase down the morgue of Satan's bed hospital is beating in my heart. The drumming of the files against the non-seeming-like corridor of the staircase down the morgue of Satan's bed hospital is beating in my heart. Bien que mal-être n'absolue pas. Minding is not caring. Subject, so. Alors. Things are things. Do not think them. Reflect upon them. Et c'est que d'ici à jamais, le pas se démesure, la démène, les sommets qui, the magnet. The magnet is energy, and the energy merges. L'énergie mutes. Hein? And the energy mutes. L'énergie mue. C'est sa caractéristique, sa qualité intrinsèque, ce n'est donc pas continu. Non. Adults perceived as crucial and their goal contents incline. I want obsession with us. Do I need obsession, I mean? The person to believe them and their contents against their illusioning. Bien peu de moi. intrinsic qualities laid out ne soit soumis. Et non, mais quand même, ce ne peut être encore une fois pour ce camp à jamais nous dépasse. La jointe réunion d'horizons a maintenant devenu irrévérencieusement et pendant ce temps de nos rondeurs, ou plutôt des rondeurs des nôtres qui se goinfrent tous pachins pastèques, ce sec cul qui pète, mais la forme ne peut oublier la mort. So the admirable thing about it is it or isn't it se berne d'une dure, en fait, doucement perçue, mélopée, redondante. En parlant de sélection sexuelle à nos jours. Incidemment, non, que trop peu. S'envisageant sommet, where the summits have not been meaningful or such envisagé. Oui, yes. Intellectually, light brings it. It's just bimbo. Just limbo. Limbo. L'enfer est passé. Pavé. Lumière. And as I was saying, nothing moves like removal. A strong light and darkness. Mieux vaut savoir être en possession d'une telle structure. I have found a goat in the river Thrada, plucking against the winds. That's what I said about nothingness. Come inside. Là, twisted on a feather plucking of a membrane surface, l'obsession réelle vient de l'interne inconscient et les symboles de celui-ci. Oui, car de ce fait, les absconcités bâclent. Là, l'étrange des étrangers. Et néanmoins, l'inobscurcie latence ne tergiverse point d'ici à maintenant. Le silence ne vaut qu'à la fin. Tact and bodily fluids bring light also, and I can tell. Et c'est ainsi que je remplisse le vide, est impossible, non, des mois qui traînent partout, moi, merde, sont recherchés pour leur reflet auto-induit sur l'ego, une flagornerie. Et c'est alors que l'abscon, territoire inadverse qu'est l'autre, ne déçoit plus. La musique manque stupidement, bêtement, cruellement d'esprit critique qui nuance. I can tell. Je m'y connais. And je ne sais pas. Mais le pas scandinave, je n'oublie pas. Je tergiverse, merde, oui. Flatter, ego. L'ego revient au même, sauf que le changement, entre-temps, il y a... Les yeux me traversent l'esprit, comme un ravageur autant décrépit, qui ne souhaite pas infinir direction, de terre rendue inextricable, pour l'inconfortable, et c'est sûr. Donc, la perte de phase est l'effet, la soluce est l'évitement. Tout est déjà à sa place. Et c'est alors qu'apparaît comme réponse la réserve d'attitude en vue d'un relatif abaissement en altitude. Pas une descente, non, plutôt une stable reprise d'élan en vue d'une remontée, ou plutôt d'une continuité de la montée originelle intrinsèque. Masse caramélisée. C'est ce tribeur note qu'il y a en mort de ainsi fond que en salé, tant déploie les vrais effis rouges ou crème, qu'importe là, ce comme le buffet, comme le grain de fond froideur parchemin. Il n'y a rien de libre, en tout état de suffisamment bonne pensée. But... Le couloir n'en est pas, je le rappelle, un. Mais il est bien plutôt un tiroir de l'intérieur, fermé, ce tiroir. So to say death is never far. Rassurons-moi, moi, s'il me plaît. Merci bien. Voilà. Et les phrases qui s'entremêlent nulle part mènent où elles se trouvent, le cœur volontairement non obstruant est bon et juste. Oui. Et je ne m'aperçois pas de l'installation en moi du mensonge, du trépas arrivé, expectative décevante d'avance. Away. Oust. Et les liens s'étoffent de broderies perverses, intellectuellement. et les liens de cette œuvre de broderie perverse. Alors que déjà, j'ai absconci la tergiversation en inadvertance. Et tout. Mais les étranges, eux et elles, ne résolvent pas le dilemme auto-incréé. Et c'est là qu'est la lumière. Elle, la lumière, montre tout. Elle voit, et permet de distinguer formes et champs oculaires. De là à ici. And the banana vessel flies floating the fall against the wind. Or is it? None confessions will do. Anyway, la douleur ne fait qu'accroître en accroissement. Necrofeedback. Tactfulness of sorts. Et c'est ainsi. La nuit. What about it? Et pour ainsi dire. À jamais. Entre couverts de stupe. Ce fascine. Ce fascisme. Oui, c'est sûr. Pourtant. Ainsi dire n'est jamais que. Mais plutôt que. Faire. Oui, mais. C'est, oui, c'est. Premier. Là, j'ai vu. Passion, c'est plein. Je vu. Only. Change may enlighten. Only change may enlighten. La force réside dans la pratique. Comprise, soutenue et de volonté. De la plus haute, intelligemment adéquate. Adaptée des douceurs. Le choix est là. Tu te laisses aller et choisis la perdition, ou tu te laisses aller à lâcher prise sur le monde en faveur de la lumière. Et entre ces deux là-bas, les réserves d'or s'amenuisent en faveur du blanc. Tout change. Aveu de terreur. C'est peureuse de la merde. Car Papa Jacques a dit. Fais-le. Certainly not phrasing things whole, not cutting, nor repeating none of it. Pourra jamais simplement dire. Je t'aime. Love you. Not. Toujours ce à jamais pour toujours. C'est contextuel. Cette observation. Que je n'ai toujours pas. Non. Songé que l'adversité n'obnubile point. Et relative. Un seul contexte. J'en ai marre. J'en ai marre, je te dis. Mince. Et le filet. Plutôt le fil du filet. Qui ne se rompt pas. Qui ne rompt pas. Ici et là. À ce moment-là. Pendant ce temps. Dans cet espace. Que je ne me laisse. Pas bercer par mes rêves. Soi-disant. Et comment vérifier. Ressembler. Tester les lacunes. Mais bien plutôt les qualités. D'accord, sans équivoque. Sans réciproque. Hunting around. Le remplissage que. De ce fait. Se fait. Bon, et juste remplissage. Le remplissage qui. De ce fait. Ce fait. Ce fait. Bon. Et juste remplissage. Gotta go away. Gotta fly down all the way up. Up, up, up, up, up and away. Gotta go away. Gotta fly down all the way up. Up, up, up, up, up, up and away. Gotta go away. Gotta fly down all the way up. Up, up, up, up and away. Pas que je ne change pas. Away. Gotta fly down. Pas que je change pas, non, je suis mort 100 fois, ouais. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up, up, up and away. Pas que je ne change pas, gotta fly down, je suis mort 100 fois. Up, up, up, up and away. Pas que je ne change pas, gotta go away, non. Gotta fly down, je suis mort 100 fois. Up, up, up, up and away. Les affaires. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up and away. Gotta go away. Gotta fly down, all the way up, up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down, gotta fly up, up and up and away. Gotta go away, gotta go away, gotta fly down, all the way up. Qu'écrire. And as it were, as it's going up and away. Les affaires, tu peux. ambition, luxure, envie. Si tu prends. Gotta go up. Up and away. In a way. J'ai envie de mourir, mais pas encore. Non, pas encore, non, pas encore, non. J'ai envie de mourir. As in to be forgotten, to be relaxed, pain and stress here. And. Up, up, up and away. Gotta go away. Gotta fly down all the way up, up, up, up, up and away. Up and away. In a way. Gotta go down. Cause. À la mort. Je te supplie. Facteur temps. Peuple, c'est moi rire, le gouvernement, intrinsèquement retardé par l'ambition, la luxure et l'envie. In a way. In a way. Up. Gotta fly down all the way up. Up, in a way. And as I was saying, last. But not least. In a way. Gotta go away. Gotta fly down all up. Up, in a way. Way. Up, up, up, up, in a way. Gotta go away. Gotta fly down all the way up. In a way. Anyway. Anyway, gotta go away. Gotta fly down all the way up, up, up, up, up and away. Back, je ne change pas. Non, je suis mort 100 fois. Je suis mort 100 fois. Je suis mort 100 fois. 100 fois. Gotta go away. Gotta fly down all the way up, up, up, up and away. Anyway. Pas que je ne change pas. Non, je suis mort 100 fois. Pas que je ne change pas. Non, je suis mort 100 fois. Non, non. Non, je suis mort 100 fois. Doucement. Gotta go away. Gotta fly down all the way. Oui, parce que je ne change pas. Non, je suis mort 100 fois. J'ai envie de mourir, mais pas encore, non. Pas encore, non. Pas encore, non. Et l'amour est gay. Gotta go gay. Away. Gotta fly down all the way up, up, up and away. Anyway. J'ai envie de mourir, mais pas encore, non. Pas encore, non. Pas encore, non. Pas que je ne change pas, non. Je suis mort 100 fois. Hop, hop, hop. Pas que je ne change pas, non. Je suis mort 100 fois. Gotta go away, gotta fly down all the way up, up, up, up, up and away. J'ai envie de mourir, mais pas encore, non. Pas encore, non. Pas encore, non. Pas encore, non. Pas encore, non. Pas encore, non. Pas que je ne change pas, non. Je suis mort 100 fois. Gotta go away, gotta fly down all the way up, up, up, up, up and away. Gotta go away, gotta fly down all up. Je ne change pas, non, je suis mort 100 fois. Ah. J'ai envie de mourir, mais pas encore, non, pas encore, non, non, pas encore, non. As in to be forgotten, to be relaxed, pain and stress. Course à la mort. Je te polie. Ton tache de crash, du mucus rectal à la coutonnée, moisi. De tout dépouiller, dépouiller, dépouiller. Parler, tiens, oublier, laisser. Pour compte, quoi. Cause à la mort, je te spoil. T'entache, te crache du mucus rectal à la goutte au nez, moitié tous les dépouilles. Dépouillé par les tiens, oublié, laissé pour compte. Bon fait, malgré la pragmatisme. Forgotten, but still has a status. Revolve silence. Course à la mort, je te spoil. T'entache, te crache du mucus rectal à la goutte au nez, moitié. Dépouillé, dépouillé par les tiens, oublié, laissé pour qu'on t'en fait malgré le pragmatisme. Gotta go away, gotta fly down all the way up, up, up, up and away. Course à la mort, je te spoil, dentage, te crache du mucus rectal à la côte donnée, moisi. De tous dépouillés, dépouillés par les tiens, oubliés, laissés pour qu'on t'en fait malgré la pragmatisme. Don't forget, and still, but still, I say, and still, it says, it revolves silence. Et l'amour est gay, et la compassion. Des eaux nubilantes aussi. Et l'amour est gay. Et la compassion des eaux nubilantes aussi. The change through silent non-thought. Unqualifiable non-tact. La grande méprise. Mourir. Comme attention intentionnelle. Faux. Et ce vrai le dit et le devient. Attentionnable. Dignité contre versatilité. Gotta down, all the way up, up, up, up, up, and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up, up, and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up, up, up, and away. Gotta go away, gotta fly down, all the way up, up, up, up, up, and away. Pas que je ne change pas, non, je suis mort cent fois. Pas que je ne change pas, non, je suis mort cent fois. Et l'amour est gay, et la compassion des omnubilantes aussi. The change through silent non-thought, unquantifiable non-tact. La grande méprise. C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? Gotta go away, gotta go away. Gotta fly down all the way up, up, up, up, up, and away. La grande méprise. Est-ce vrai, le dit et le devient? Attentionnable, dignité contre versatilité. Car d'ici à jamais ne peut passer la chose, mais bien en même temps, forme différente. La cadence naturelle de réfrénement est nulle, mais pour réfréner son désir de nature, le parallèle demeure, gardant l'humour dans l'arche de l'apocalypse. Ouais, oui, mais. Nada, débat, rien ne m'aide plus, plus rien, c'est ce que je dis, y suis-je, oui, je le sens partir, le stress d'abord ici, puis là-bas, plus tard je mourrai, and I do not know what is for sure, c'est ainsi que je vois, as I seen it, the anguish not being seen, mais et c'est alors, is it when and where, et où les événements, the events qu'on pensait, through being, pourtant, quand la ou l'autre boîte ne fait pas le poids, eh ben, I forgot the sun of things, the sum of things. I remember now my broken bony shell with somewhat glorious, honorable, joyful feeling. Et la peur effraie comme la chanson, la peur effraie la rengaine. Sing big. En ce temps-là, je prenais le café à la maison. Non, on ne se voit décevant. Mais pour toujours, à jamais, ne pas se perdre. Parce que maintenant, je ne respire plus. J'expire, je ne déçois. Je conçois, et enfin, nommeras-tu. Qu'en dire? Ashtray treats the world that's full of eating ash. Et le pire du moment, c'est quand les erreurs fusent en amont. Vous pourrez aussi dire de rien, alors de rien. Que rien. Take their place all the way, non, all the way, all the way, non. Avec l'aval de l'avatar, avec l'aval de l'avatar, exemple. Je n'absous personne, j'avoue, ne pas pouvoir mourir seul. Besoin, nécessité, hasard, et c'est pour cela que je veux y rester. Pour souffrir la douleur. Mais non, ce n'est pas. Cette tautologie de merde sur vrai. So where's the one being? Yes, where is the man? Stupid. Et quand c'est lui, c'est merveilleux et délicieux. Et bon, allez-y tous, à jamais, jusqu'à présent et pour toujours, à toujours, jamais. Non, je me tais, c'est tout, c'est tout. Je suis seul, seul, oui, ouais, seul. Le temps psychique est relatif à la psyché en question ou à. Nous n'avons pas fait, et c'est la clé de nous faire la non-action. De l'œil à présent, mourir dans l'éprouvette, dans la moustache. Les choses commencent sérieusement à me pomper l'air parfois et je me calme. Jusqu'à la routine quotidienne se déploie en camion. Plein de véhicules damnés par auto-dafé des autres voix, par la voix unique mais non singulière. Et le bumblebee. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres others, n'écoute pas the others, don't listen, les autres, n'écoute pas les autres, n'écoute pas the others, don't listen, that's sure, sûr. Don't lie. Même que ce que je dis c'est vrai, jusqu'à remplir l'espace incréé par le silence interne, ne ment pas. Don't lie, even that, what I say, it's true to the feeling of internal silence involving created space, the place is now. Time is here, yeah. Time is here, yeah. Oui, la place est ici, le temps parti contre le mur en contemplation, mais le terme tergiverse singement. Ne ment pas avant usage, the weed spreading to the atoms world. La somme de psyché en phase, ce qui signifie symboliquement uni, ami. Et c'est ça, yep, and that's where the dust stores, yep, it stores in itself, through it itself, I mean, it's usually non-self to heaven. Mais moi, dis-la s'il te plaît, and it's all out there. Mais moi, dis-la s'il te plaît, and it's all out there. Not dead, not dead. Not dead, it's all as if I were not dead, not dead, not dead. It's not as if I were not dead, not dead, not dead. Already feathering the bony hearts with gotta go away, gotta fly down all the way up, up, up, and away. En la regardant, je m'aperçois de l'un, deux, trois, quatre. Allô. En la regardant, je m'aperçois de l'inutilité de cet acte. Voilà, c'est dit. Canal Sud. 92 points. 2 mégahertz. 82.12. C'est nuisance. The Halpocalypse. Et voilà, ces choses changent par la... What? L'action de la volonté, l'évolution. What? Wholesome. Fruity-tooty. What? Fruity-tooty. What you say? Fruity-tooty cake. Fruity-tooty cake tout en traviole. What you say? Direct, je suis mort. Merde. Le jeu. Il n'a pas tant et fini. Et pourtant, ce fonctionne pas à pas comme méditation éléphantesque. Sur mesure de traviole, peut-être un petit yaourt. Fuck it to the hole. Mais cette fois, les cloisons ne cessent de percer les obscures non-nécessités, les besoins insérés, à créer, mourir. A drill through all the way. Cause I'm dead fuck already. Fuck to the hole. Hijacking the carjackers for too long. Now it's to my own shit. Good for me. Just love will do. Good company and vibes. Plenty of them to death. No, to life. Cheers, the dealer. Deal chooser. C'est pas comme si je n'étais pas mort. Pas mort. Pas mort encore. C'est pas comme si je n'étais pas mort. Pas mort. Pas mort. Pas mort. Pas mort. And the cycle. Et les roues du camion. Déploie. Lanterne. Cockroach. Cockroach, no. Cockroach. Cockroach. Cockroach. Cockroach. As for me, fuck it. Fuck it to the hole. Goddamn, yeah. The cycle goes on the same side of the dresser. Le rassemblement à venir. N'obstruque pas. Les divertissements. Anger and pain install themselves to not rapidly. Said hell is forever. The question. Anger the question. And pain install themselves so rapidly. The question. The question. The question. The question. Anger and pain install themselves so rapidly. Fuck it. Fuck it to the whole goddamn yellow. Anger then pain install themselves so rapidly. Fuck it to the whole of the devil. Le plan, pas les plans. Résumé, non, mille fois. No, merde, chut. Alors que beat chat cul. Yup, taking pussy and ass in, just like dying. Une parcelle de mon être. Ou par reflet effectuel se trompe. Oui, pas de moi. Fuck it to the whole of the devil. Fuck it. Anger and pain install themselves so rapidly. the whole bottom, yeah, so rapidly. Pas de moi, les choses changent. Je me lève, je me lave, je m'habille. Pas de moi, les choses changent. Pas de moi, les choses changent. Je me lève, je me lave, je m'habille. Je frotte les joues et les paupières qui grattent et partent. Je ne sais plus, j'ai oublié. Je ne sais plus, j'ai oublié de voir la peine que je me cause de moi. Par moi, par moi, au monde. As always, things go on out of always. C'est de là la merde maintenant, j'écris là et maintenant. Englouti, fuck me, me. No damn hell, it's gotta know, I've gotta know. Cheap but no thrill. It's not like I gotta get away. It's like an excitement, you know. Just like today is today for me, as now is now forever. See what I mean? The apocalypse is near. Brave, rain, and dear. So stupid. As I was saying, friendship, the eternal diamond. But the faltering of decay. La putréfaction, l'oubli. Souvenirs, souvenirs is to know. It is thus whenever. Whereas to none other, I have not told the tale. As for always, as for always, non mais c'est vrai. Le trémoussage, oui, c'est vrai. Et ce qui est vrai, est vrai. Trials set aside their quarrels, quarreling ceases. Thus may I approve myself non-associating. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je vois comme tu es en vie. Tu m'apportes envie de la vie. J'ai le droit de vivre. La tourmente se vit aussi et se repousse, oui, comme la limite étant la limite situationnelle. C'est comme mourir, tu sais. You know. Tu vois ce que je veux dire. Et pour ainsi dire, à chaque fois que j'emploie, je pratique. C'est comme respirer, c'est... tu sais, respirer des champs de chiottes entiers. Le bleu du ciel s'obscurcit peu la nuit, mais plutôt le jour. Car en fait, la lumière n'est pas assez forte la nuit, non. Car en fait, tout est faussement fait. Faux, fake light. Firstly, wanna be doesn't quarrel. Bien que je ne puisse pas me pouvoir, j'ai le droit à l'erreur, pas de doute. Not that caring so much will do, no, that's for sure. Et l'esprit critique n'est pas esprit critiquant, même humoristiquement, non. Ici est ce que je voulais dire maintenant, et c'est en deçà qu'elle se situe, elle. T'inquiète. Alors que quand l'autre dissémina la totalité par parcelles d'hectolitres, capitonné, c'est bien ça, jusqu'en l'enfer sur terre. Point d'interrogation. Oulala. It's the way that I feel when I'm doing that shit. It's the way sorta. That I feel. Non, que ce ne soit cohérent. C'est cohérent? C'est cohérent? C'est cohérent, hein? C'est cohérent? C'est cohérent? C'est cohérent, non? C'est cohérent? C'est cohérent, non? C'est cohérent, non? Is the way I feel when I'm doing that shit. De rien à maintenant, pour ne jamais, à dire à jamais, pour ainsi dire. No doubt indeed, no doubt about it. It's on my side, yeah right. Et c'est là le non-drame de la transcendante subjectivité, immanence externe. To the rummaging. Alors qu'est-ce qui suffit? Ben rien ne suffit. Now and on, here and there. That's how. You remember? Remember. Quand même, la nomenclature, l'obsédance, par la confiance en point. Pourtant, la placide lassitude n'advient plus. Ou est-ce déjà advenu et à venir? Ouais, non, ni l'un ni l'autre, mais pas advenir non plus à l'infinitif, comme si la situation est différente. Oui, c'est ça, j'ai le droit de me laisser vivre en paix. Non, je ne meux de ceux qui mourir après le con connaissent l'azur par le fion. Je ne m'échappe point. La relaxe résolut le problème de l'incapacité à résoudre. Celui du stress par non-stress, c'est déjà ça. Différentes situations que la réponse. La négociation du stress, la non-vie, sommairement parlant, non. Nous n'avons pas vécu de situation différente que la situation que nous avons vécue ensemble pour ce toujours. Toujours ou jamais. Jamais toujours, toujours jamais. Ambivalence, je m'obstrue moi-même, l'air de rien. À jusqu'à présent moi-même, jusqu'à quand même moi-même et où venir. De là. À maintenant, toujours, pourra jamais, dire jamais, à de la turpitude, à maintenant, jamais, à de là, à merde, et puis ça discontinue encore, brolo, loyal, merde, reprenons. Il est contraire d'être contradictoire à la vie, contraire de souhaitable, no side about it, I remember the non-formulated. Am I free? La nomenclature. Pourtant de larmes, pas de réconfort, mais de l'inconfort. No, not quite. Ne dénonce point ton allié si le perdre. Si, puisque l'on pue la volonté, autant au mieux la concevoir bien et volubile. Mais de prime abord, abordage ou abordage, quelle différence? L'or, l'amertume ne diront pas, ne disons pas, ne dissous pas. La différenciation. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu et moi. Alors. Là où nous les avons laissés, hein? And this is. That's when is my shit. I'm obstructing my own self. La dissolution, la dispersion de l'âme ondulante, il suffit. Seule. Quant à elle. Happening is on in happening is on in consistent il hein, le spiritualisé oui happening dire seul que dire à jamais à pour ne point dire découvrir jamais les boîtes pour ne point découvrir foison d'obnubilante inutilité I know now je ne doute pas d'une conjonction astrale, difforme. Je n'en doute pas. La déformation. La distorsion. N'obstrue pas la pensée. Elle la déplace. La pensée. Heureuse les choses n'obnubile pas. Pas le défini. En faveur d'infini. Pour se faire et se faire et refaire. Lettre needs. Fortune, ben. Fortune. Pont entre les jambes. Le sexe. Est intransigeamment. Le ventre pas d'accord. Pont entre les jambes. Le sexe est intransigeamment. Le ventre pas d'accord. Pour se faire et refaire. Lettre needs. Fortune, bien. Pont entre les jambes. Le sexe est intransigeamment. Le ventre pas d'accord. Le sexe. Damage. None of it will love, lose love. Pour ne point à jamais ne pas découvrir la même chose. Je vais me faire un rituel de valeur, sexe, biologie, argent, feu, mort. Blasphème. Je vais me faire un rituel. Tout n'est que blasphème. De valeur, sexe, y en a marre. Biologie, argent, on veut la révolution. Feu, mort. Y en a marre des blasphèmes. Je vais me faire un rituel de valeur. On veut Dieu, on veut tout. Sexe, on veut la grandeur, le pouvoir. Biologie, les cieux. Ouais. Argent, feu, mort, sexe, la merde. Biologie, oui. Argent, devient feu. Plutôt la merde que mort. Ça. Sexe. Argent. Mort. Ouais. Mort. Sexe. Argent. La mort. Whereas, as is and has been said, there are everywhere. They're everywhere. Sex. Money and death. Sex, money and death. Comme si les fonctions de l'imagination pouvaient être décelantes par âme. À ne point faire, ne point se faire. Se faire sex, argent, mort. Allez. Cet être nommable est temporairement, c'est sûr, et c'est tout. Et pendant ce temps-là... Madness. Folie. La folie. Folie. La folie de... Sexe. Argent. Mort. Tout est relatif. Ou tout. Ce n'est pas le moment ni le lieu qui compte, c'est l'acte. Le faire. Vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est sûr, and it's for sure. The harmony. Cacophony. Comme même ou même poussé dans le tram à genoux, mamie. À genoux, mamie. Where is everywhere? And does it include the space I occupy? Where is everywhere? De stupor ou de stupeur affranchi. Where is everywhere? And does it include the space I occupy? Where is everywhere? And does it include the space I occupy? Where is everywhere? And does it include the space I occupy? Réaction tangentielle participe à l'être-té en avalant la semence snake. No hunger. Sleep, little piggy, down the drain, sleep, little piggy, no hunger, down the drain. No hunger, sleep, little piggy, down the drain, down the drain. Light and drink. No hunger, quenched thirst, little piggy. Down the drain, down the drain, down the drain. Sleep. No hunger, quenched taste. Sleep, little piggy. Down the drain, down the drain. Yo, yo, yo, little piggy. Down the drain. What are you doing? Down the drain. Sleep, little piggy, down the drain. No. Sleep, little piggy. Madness. Fully and fully. Down the drain. And it's for sure. No. Fortune. C'est choisi. Décidément, la décision me revient dans la face couverte de poussière d'étoiles, mortiférugineuse. De 2 à maintenant le 1. Things seems, cause they're sexual, and that's no damn secret anymore. Just like authority condemning rebellion. So be it. Ne me voyant, en général, pas le visage. Je ne me reconnais plus. So here's to quiet the things. They are dead and full of it. The guano. Bats like men are blind as hogs. And women have lost virginity. Ou trois. De maintenant à tout jamais. Même que c'est vrai ce que je dis. Merde. Et là c'est abscon. Les idées m'échappent. En travers. Ou bien rien peut-être. despite the ignorance. Le long d'une canne, un bâton, coup pour coup. Foi faillissante de rendre. Les choses changent en route vers et par l'horizon du fond, le calme noir. Le vivant blanc nuage protège par soi la couche interne, le noyau, le cœur, par soi, donc par voile. C'est le moment d'une foi inobscurcissante, donc utile. The others will tell me. Or they'll tell me fortune. Fuck. La canalisation procède souffreteusement, restant de déboires passés. Le serviable. Nourriture, feu pour l'âme fluide. Viscosité de la lumière. No lust, no hate, nothing in fact. But placements in scavenging. Poinçonner les mots, nous n'avons pas que fait. I will, so I don't will. À la fin de ne pas voir. All that is for sure, and it's all for over here. Les mots sont non-mots, car azur rentable, les azurants sont. Et même que c'est vrai ce que je dis. Merde, oui. No creed. Pas de raison de mentir. No mess. Just the best of what I've got. No reason to forget about it. I've got the reason to forgive me. But you, lion social. Et le gars me parle sur un ton franchement obséquieux. Non, etc. Et de ce fait, when I look in the mirror, I see from emanating from mirror perspective les réactions. No race, no. Non. Que je le dise. Le fesse comme fait ou rendu. Nomenclature. Le choix. Ne sont. Non mais, pas que je ne cesse au point, mais que je ne cesse au point d'en profiter, capable de. And that's it's for a longing for best of. Tout. ce soir. Nuisance. À 1h09 de la fin du monde. C'est fini. Parce que l'on n'a rien à dire. Et quand l'on n'a rien à dire, l'on se tait.